entre parenthèses, maintenant il veut que tu fasses la même phrase avec le verbe entre parenthèses et en dessous qui est yal'ab. Ça deviendra quoi? Kana Mahmoudun yal'abu ma'ana. Vous voyez, Mahmoud joue avec nous. Donc là maintenant tu fais pareil, en prenant Kana Mahmoud, tu mets le verbe entre parenthèses. Et tu mets ma'ana. Ma fi ma'ana. Tu peux mettre ma'ana derrière. Tfaddal. Yusafiru. Kana Mahmoudun yusafiru. Yusafiru ma'ana. Non, Mahmoud voyageait avec nous. Et là, on le voit en dessous, mais là, on le voit. Là, c'est un verbe. Là, c'est une phrase entière. Là. C'est plus un mot tout seul. Ah ouais. Mmh. C'est une règle aussi que tu apprendras, parce que pour en faire trop dans le livre, ça sortirait du sujet. Là, c'est une phrase entière. Avant, c'était un mot tout seul, pas pareil. Thanian. Yadrous. Naam. Kana Mahmoud Yadrousou Ma'ana. Naam. Mahmoud étudie avec nous. Kana Mahmoud Yamshi Ma'ana. Naam. Mahmoud marchait avec nous. Kana Mahmoud yatahaddathu ma'ana. Mahmoud discutait avec nous. Mahmoud embarquait avec nous, montait avec nous. Kana Mahmoud yakulu ma'ana. Mahmoud mangeait avec nous. Maintenant, il va faire pareil avec un ism mufrad, avec un mot seul, isolé. Rabi'an, ajib, kama fil namouzaj. Al namouzaj, kana mahmoudun jalisan. Entre parenthèses, il veut que tu prennes le mot waqifan. Donc tu vas dire quoi? Kana mahmoudun waqifa. Faddal, jumla l'oula. Musafira, kif taqoul? Kana mahmoudun musafiran. Naam. كان محمود عائدا. عائدا c'est l'ism fa'il de quel verbe si tu arrives à déduire. عائدا. Naam. Ism fa'il de. On avait dit de revenir. عاد. عاد يعود. عاد. عاد. يعود. Naam. عاد. ثالثا. كان محمود نائما. نعم نائما اسم فاعل لكل فعل نام نعم دوريا رابعا كان محمود قادما نعم قادما اسم فاعل لكل فعل قادما يقدمو كي يدي arrivé خامسا ذاهبا كان محمود ذاهبا Mahmoud, en fait, on va dire, s'en allait. Saadisan. Kana Mahmoudun Ghaliban. Naam. Tayyib. Aliman, mêlez-moi. Aliman. Aliman. Kana Mahmoudun Ghaliban. Naam. Hafidhan. Kana Mahmoudun Hafidhan. Naam. Taliban. كان محمود طالبا. نعم. من أشتم عن نطمو سبع اسم فاعل. سلفيا. سلفيا. كان محمود سلفيا. أيوة. ولا زال ما سلفيا إن شاء الله. إيه نسيس دت سلفي. C'est pas forcément un verbe en fait. Mm-hmm. C'est ça que tu me fais comprendre. C'est pas forcément qu'il y a un verbe. Après, Kana, il peut. Il peut rentrer dans une phrase. Même du. Comment? Par exemple, c'est la figale, c'est pas un verbe, c'est pas un fiable. Isme fa'il. C'est la figale, c'est pas. Isme fa'il. Ouais, c'est un isme fa'il. Non, c'est pas isme fa'il. Hein? C'est pas isme fa'il, c'est la fille. C'est la fille, c'est un ism, ça. C'est, ah ouais. C'est un mot d'appartenance, comme Fransi. Ah, mais ça, c'est pas comme Jalisan. Ah ouais, c'est pas ce qu'on fait. Il rentre dans n'importe quel mot.